La maison d'édition près le Parti de Travail de Corée a fait paraître le tome 14 des œuvres complètes de Kim Jong-il, collection des immortelles idées du Jutse et de l'idée du Sun-gun, contenant ses ouvrages par ordre chronologique et d'une manière intégrale. Il contient 93 œuvres comme Entretien, Discours et Conclusions historiques publiées depuis le mois de mai jusqu'au mois de décembre de l'an 59 du Jutse 1970.